Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude dans l'Apocalypse. Nous sommes rendus au chapitre 10. Donc, on avance à grands pas. Et chaque chapitre est comme une vision que Jean a. Et c'est pour ça que j'aime mieux les voir dans un ensemble, même si on ne voit pas tous les détails, nous voyons l'image de cela. Si vous voulez avoir plus de détails sur certains points, peut-être vous pouvez écouter la série sur l'Apocalypse que j'ai faite à Val-d'Or, excusez pas à Val-d'Or, mais à Mont-Tremblant, en 2004-2005. Vous pourrez écouter cela, et ça va peut-être vous donner quelques détails, quelques explications de plus. Notre Père du ciel, merci. Merci que ta patience a une limite. Parce que dans le mot patience, il y a une connotation de temps. Et la patience, ta patience, notre Dieu, a une limite. Et la limite, c'est le jour que tu as décidé, toi, de toute éternité, de répandre sur le monde ta colère. Guide-nous ce matin, en étudiant ce chapitre 10, qui nous parle de la fin de ta patience. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez bien, nous allons commencer par lire le chapitre 10 au complet. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres. » Il ne l'écrit pas. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera comme doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Ils furent dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, Jean a une autre vision dans le ciel. Souvenons-nous, il avait été ravi au ciel à partir du chapitre 4. Il a dit, monte ici, je te montrerai ce qui doit venir dans la suite des temps. Donc, Jean est encore là, dans le ciel, en train de regarder et d'écouter la description ou le dévoilement de l'avenir de l'Église et du monde. Et nous sommes encore dans cette période de deuxième malheur. Vous vous souvenez? Il y avait eu un premier malheur, les sauterelles. Il y avait eu un deuxième malheur, la grande armée de chevaux. Et nous sommes encore dans cette période-là. Le troisième malheur va venir plus loin, va venir au chapitre 12. Mais ici, nous sommes dans cette période-là de malheur, deuxième malheur. Et là, l'ange va avertir que quand la dernière trompette va sonner, quand le troisième malheur va commencer, ou la septième trompette, ça va être l'accomplissement des prophéties de la colère de Dieu. Donc, Jean voit un ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. C'est drôle de voir qu'il descend du ciel quand Jean lui-même est dans le ciel. Et cet ange-là a un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Plusieurs disent que c'est Jésus. Je ne crois pas personnellement. J'aime mieux penser que c'est un ange qui est décrit qui est un ange très puissant, mais je ne crois pas que c'est la même vision que Jean avait eue dans le chapitre 1 de la personne de Jésus qui était au milieu des chandeliers et qui avait un épée qui sortait de sa bouche et qui s'adresse aux églises. C'est pas le même personnage, je crois. Mais c'est un messager qui vient de la part du ciel. Et que c'est important, frères et sœurs. L'Apocalypse, ce n'est pas des armées qui se battent sur la terre. Ce n'est pas la Chine contre les États-Unis. Ce n'est pas des choses humaines. C'est le ciel qui s'attaque à la terre pour la détruire. Et pour amener une fin à ce monde tel que nous le connaissons. Pour amener l'apogée du royaume de Dieu. Pour installer le royaume de Dieu et détruire tous les impies. C'est ça, l'Apocalypse. Et au verset 2, l'ange met un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et il ouvre la bouche et il parle d'une voix forte comme rugit un lion. Il cria comme les sept tonnerres font beaucoup de bruit. Et les tonnerres sont souvent des signes que le message va être dur, c'est un jugement, c'est une coronation. Et ces sept tonnerres-là transmettent un message, disent quelque chose. Jean se dépêche à prendre son crayon pour écrire. Mais la voix qui est dans le ciel lui dit « Non, non, non, non, n'écris pas cela. Scelle cela. » L'ange que Jean voit lève la main droite vers le ciel et il dit « C'est terminé, il n'y en aura plus de délai. Lorsque la septième trompette va sonner, l'accomplissement du mystère de Dieu va se faire. Quel est donc ce mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui était caché, mais qui va être révélé. Donc, ce que Dieu avait annoncé va s'accomplir maintenant. Il l'avait annoncé par ses serviteurs, les prophètes. Donc, c'est pas quelque chose que les gens ne savaient pas. Mais c'est quelque chose que les gens n'avaient pas vu s'accomplir encore. Qu'ils n'avaient pas vu le dévoilement de ces annonces-là. Donc, Dieu avait annoncé par les serviteurs et ses prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il avait annoncé cette fin par Daniel, par Ézéchiel, par Isaïe, par Pierre, il y a beaucoup de gens qui lui ont parlé de la fin des temps. Il dit, quand la voix du septième ange va retentir, cette trompette va sonner, va s'accomplir ainsi les prophéties faites par les prophètes et les serviteurs de Dieu. Ça va finalement arriver. Dieu n'a jamais laissé son peuple et le monde dans l'ignorance. Il a averti dès le paradis qu'il enverrait quelqu'un écraser la tête du serpent. Et ensuite, à travers les prophéties, Il a averti du déluge. Et Noé est un prédicateur dans ce temps-là. Et tout au long ensuite par les prophètes, il a annoncé la venue du Messie. Et ensuite, il a annoncé encore la venue de la colère de Dieu sur le monde. Donc, ce qu'est en train de dire l'ange ici, au son de la septième trompette, il n'y aura plus de délai. Ça va s'accomplir. La voix, au verset 8, la voix qui a entendu du ciel, la voix de Dieu, la voix de Jésus, lui dit, prends le livre et avale-le. Prends le livre de la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et la mer. J'allais vers l'ange et je dis à l'ange de me donner le livre. Et l'ange me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Jean prend le petit livre et il le mange, il l'avale. Il reçoit le message de Dieu. Parce qu'un livre, c'est écrit. Et ce qui est écrit, c'est un message. Donc, il reçoit le message et il le reçoit et il l'avale. Il dit, dans ta bouche, ça va être doux comme le miel. C'est bon de recevoir le message de Dieu. Mais dans tes entrailles, ça va être l'amertume. Ça va être l'amertume. Oh, il y a tellement d'interprétations là-dessus. Mais ce qu'il est en train de vouloir dire, à ma façon de comprendre cela, le message qui est contenu dans le petit livre, pour certains, ça va être un goût de miel, une belle annonce, un beau message, un bon message. Et pour d'autres, le message va être rempli d'amertume. Parce que le message qu'il a reçu, qui pour lui, pour certains, va être un goût de miel et d'autres un goût d'amertume, il doit le prophétiser. Parce qu'il dit au verset 11, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » On sait que c'est pas Jean qui va faire ça. Jean est en prison, il est rendu un vieillard, il va plus faire ça. Il va plus faire ça. Ou est-ce que c'est par ce qu'il va écrire, est-ce que c'est par le livre de l'Apocalypse qui va causer pour certains un goût de miel? Cet Apocalypse va être pour certains quelque chose de bon à recevoir, et pour d'autres, ça va être un message d'amertume? Possible. On pense que c'est par l'Apocalypse, ça peut être vrai, ça peut être bon comme interprétation, je pense. Parce que pour nous qui lisons l'Apocalypse, oh, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Des fois, les chrétiens me disent qu'ils ont peur et qu'ils trouvent ça épouvantable. Savez-vous pourquoi? Parce que nos yeux ne sont pas à la bonne place. Ils sont sur la terre et sur les êtres humains. Mais quand j'ai l'Apocalypse et que je lève mes yeux vers Dieu et son trône, vers Christ et son trône, c'est doux comme le miel. C'est fantastique. Parce que mon désir, c'est pas de sauver les êtres humains. Mon désir, c'est de glorifier mon Dieu. Et il n'y a rien qui glorifie plus Dieu que la croix. Après ça, c'est l'Apocalypse. La croix est une grande manifestation de la gloire de Dieu. Pourtant, c'est une montagne où ce qu'on tue du monde. C'est des croix, c'est des potences. C'est un lieu de mort, mais pourtant, ça l'a glorifié Dieu à l'extrême. Et quand je regarde l'Apocalypse et que je pense à Dieu, que je pense à Christ, que je pense au peuple de Dieu, c'est bon, c'est doux, c'est merveilleux, c'est grandiose, c'est magnifique. Et je peux pas faire autrement que de tomber sur ma face avec les vieillards et les êtres vivants et d'adorer Dieu. Je peux pas faire autrement que de me joindre à la foule en robe blanche et de crier Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, honneur, puissance, grâce. à notre Dieu, car il a vaincu. Il a vaincu. Frères et sœurs, soyons sûrs. Soyons sûrs. Que quand que nous lisons l'Apocalypse, que nos yeux sont tournés vers Dieu. Donc, frères et sœurs, encore une fois, le message est pour l'Église qui l'a reçu, premièrement, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui persévéraient, ils sont contents de voir que finalement, Dieu va mettre une fin à ce monde de folie qui les fait mourir. Oh, je me souviens, un jour, j'ai rencontré un pasteur qui avait été pasteur en Russie pendant longtemps. Peut-être certains d'entre vous qui écoutez ça, vous allez vous rappeler cela. Il était venu de Russie. Et on avait jasé avec à différentes reprises. Et quelqu'un avait demandé, quand il était en prison, avec les autres chrétiens qui souffraient, qui mouraient, jour après jour, il y avait des chrétiens qui mouraient dans ces prisons-là. Il nous a dit une fois que dans la cellule ce qui était, la nuit, il ouvrait une porte et des rats venaient dans sa cellule. Il devait se battre pour sauver sa vie. On lui a demandé, qu'est-ce qui vous a donné la capacité de continuer, de garder la foi? Et sans hésiter, il a dit, l'Apocalypse, le retour du Seigneur. Il dit, quand on est dans ces moments-là de souffrance extrême et que la mort est là, possible à tous les jours, ce que nous désirons le plus, c'est le retour du Seigneur. On pense pas à des autos, on pense pas à des maisons, on pense pas à la santé, on pense pas à personne d'autre, on pense seulement, Seigneur, viens mettre une fin à cette folie de l'être humain. Viens établir ton royaume. Viens emmener vengeance sur ton peuple. Ça ressemble pas mal à l'Apocalypse, hein? Puis il dit à ceux qui sont dans l'Église et que lui, Jésus, appelle à la repentance. Il dit, repentez-vous. Parce qu'il va venir un temps où il n'y aura plus de temps, plus de possibilité de se repentir. Revenez à moi. Notre Père du ciel, merci de cette belle image. Merci de cette belle vision qui nous montre encore une fois que tu as déterminé les temps et les moments que ça va arriver. Seigneur, donne-nous d'être des témoins dans le monde dans lequel nous vivons de l'Apocalypse. Des témoins qui ont un temps pour se repentir. Et il y a un temps où il n'y aura plus de possibilités. Il y a un temps où la colère de Dieu va s'abattre sur tous ceux qui ne l'ont pas adoré et servi. Au nom de Jésus.